Comment réussir à te lâcher? D'après ce que j'entends un peu partout en confession, il n'est pas évident pour tout le monde de grimper au rideau. Du coup, l'épanouissement sexuel semble être hors de portée. Si tu rencontres aussi ce genre de difficultés, je te rassure tout de suite, à cœur vaillant, rien d'impossible. Comme pour tout apprentissage, avec un peu d'entraînement, ça deviendra un jeu d'enfant. D'ailleurs, il est inutile de s'apitoyer, il y a plein de raisons qui font que ça ne marche pas. Il se trouve qu'une femme a toujours énormément de choses en tête. C'est vrai que ce n'est pas facile de gérer à la fois les emmerdes du boulot, les tracas du foyer, les contrariétés du couple, les bobos des gosses, les chauffards sur la route, et ainsi de suite. Il faut bien avouer qu'au moment où débute la partie de jambes en l'air, ton esprit tourne encore à 200 à l'heure. Entre l'inventaire des encours du jour et la liste des choses à ne pas oublier pour le lendemain, ce n'est pas évident de se mettre dans l'action aussi délicieuse soit-elle. Pour arriver à te détendre, il y a différents trucs. Il faut déjà que tu commences à lever le pied, vu que tu es la seule responsable de ton état de stress. Eh oui, pas la peine de me contredire, car je te rappelle que personne d'autre que toi ne te met autant la pression. Si, si, réfléchis bien. Je suis sûr que c'est toi qui veux que tout soit nickel, c'est toi qui ne sais pas dire non au boss, c'est encore toi qui ne veux pas déléguer, et tu n'aimes pas non plus laisser les enfants à des proches. Sans oublier que tu réfléchis beaucoup trop. Tu vois, j'ai raison. Alors, dis-moi, ça sert à quoi tout ça si tu n'arrives plus à te détendre? À rien, on est bien d'accord. Donc le premier truc, c'est d'en faire moins. Tu verras, ça change la vie. Après, il faut apprendre à être égoïste en te dégageant du temps pour toi, mais aussi du temps pour ton couple. Quand je dis du temps pour toi, ce n'est non seulement du sport et des loisirs, mais aussi les plaisirs solitaires. Car le plaisir, c'est comme l'amour, ça s'entretient. De plus, si tu connais tes préférences, tu pourras mieux guider chaque personne qui aura envie un jour ou l'autre de te faire du bien. En plus, il n'y a pas de raison que ton mec soit le seul à se tripoter. L'autre astuce, c'est d'éviter les tue-l'amour. Ce n'est pas parce que tu es en couple depuis perpète qu'il faut oublier l'érotisme. Il faut un minimum se mettre dans le contexte. Du coup, excite les pyjamas velours, même par grand froid. Je te conseille aussi de faire quelque chose qui t'apaise avant de rejoindre ton étalon. Une boisson chaude, un verre de vin, faire de la lecture à ton bonsaï. Enfin, à toi de voir ce qui te coupe de la folle journée que tu viens de vivre. Une fois que tu es lové contre le corps rassurant de ton homme, demande-lui de te donner un orgasme même mécanique avant d'attaquer les choses sérieuses. Cette décharge sexuelle rendra ton corps plus réceptif aux baisers et aux caresses et te permettra d'accéder à une jouissance satisfaisante. Dernière chose qui a son importance. Plus souvent tu feras l'amour, plus il te sera facile de parvenir au septième ciel. C'est mathématique. En résumé, pour te lâcher facilement, tu dois bosser moins et baiser plus. C'était Evan Matisse et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode